cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala khamisan. On est toujours dans les fruits, le troisième fasl fi fawaid al-iman wa thamaratihi, les fruits de la foi. Dans le cours précédent, on avait lu les quatre premiers fruits. أي الارتباط بولاية الله عز وجل أن المؤمن سينالي parmi les alliés d'Allah. Le deuxième fruit, الفوز برضا الله, أن الله سبحانه وتعالى est satisfait du croyant. Le troisième fruit, أن الإيمان الكامل s'empêche de rentrer en enfer. Et الإيمان, ولا aussi il est peu, ça empêche de rester éternellement en enfer. À la كل حال, le مؤمن il rentrera au paradis. Et le quatrième fruit, أن الله يدافع عن المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve les croyants, il les secourt sur eux, sur leurs ennemis. قال خامسا ومنها أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Le cinquième fruit est أن الإيمان والعمل الصالح, la foi et les œuvres pieuses, et les œuvres pieuses ça fait partie de la foi, c'est une cause énorme pour avoir une vie heureuse. Enfin, celui qui croit, qui met en application l'Iman et qui apprend cette foi, les fondements de la foi, etc. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une vie heureuse, ici-bas et dans l'au-delà. Man 'amila salihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a cité la condition. Faire des œuvres pieuses et être croyant. Ça nous montre que les œuvres pieuses sans croyance, c'est pas utile. Matalan, واحد qui ne croit pas, من اليهود, من النصارى, parmi les athées, et il fait du bien. Il aide les pauvres, il aide les orphelins, il est pas injuste, il est véridique. Mouhim, il fait du khayr. C'est d'aucune utilité indallah. Pourquoi? Parce qu'il manque la condition essentielle, l'iman. Celui qui a cette condition, l'iman, et qui fait des efforts, فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Allah, il lui donnera une vie heureuse. قال الشيخ وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله. Ça veut pas dire que celui qui croit, أنه il aura forcément beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Ça veut pas dire ça. C'est pas ça la vie heureuse. La vie heureuse, comme قال الشيخ سعدي رحمه الله, c'est راحة القلب. C'est que ton cœur il soit, il accepte ce que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné. Il se contente du risque que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a décrété. Ce cœur, il va ressentir de la tranquillité. Voilà aussi ce abd, il possède peu. Voilà aussi ce serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est éprouvé par la pauvreté, par la maladie ou autre. Qala wa adam ta'alluqihi bi ghayrihi. Et c'est ça al-ghina. C'est ça la richesse. Anna ce cœur de ce croyant, il ne sera plus accroché à ce bas monde. Bela, bel, ce cœur il sera rempli d'iman et de mahabba et d'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et son seul but ça sera la satisfaction d'Allah azza wa jalla. Et il sera heureux dans n'importe quelle situation. قال وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته. C'est ça la base de al-hayat al-tayyiba. C'est arahatul qalb, c'est la tranquillité du cœur, wa at-tuma'nina, la quiétude. Vous avez remarqué que ba'd al-kafara, ils ont énormément d'argent. Ils possèdent des propriétés, ils ont des enfants, ils ont des voitures, ils voyagent. Ils ont un niveau de vie très élevé par rapport à certains croyants. Wa ma'a hadha, ils ne sont pas heureux. Limadha? Li'anna cette tranquillité du cœur, elle ne s'achète pas. Ils ont énormément d'argent et ils divorcent. Thomas, ils ne peuvent plus voir leurs enfants. Thomas, des problèmes, des soucis. Ils arrivent à un stade où ils mettent fin à leur jour. Alors qu'ils ont de l'argent. Ça nous montre c'est pas forcément avec l'argent. Abadan. Al-hayatu at-tayyiba, c'est avec l'iman. Et ça ne veut pas dire que al-mu'min, il ne peut pas être riche ou d'avoir d'argent. Abadan. Hada, c'est complètement faux. Lakin, on parle de asl, de base. Fa inna asl al-hayat at-tayyiba, hakada qal al-shaykh rahimahullah. Donc, nastavid min hada, si tu veux être heureux, akhil karim, ici-bas et dans l'au-delà, commence par l'asl. Commence par l'asl, la richesse du cœur. On m'a fait des efforts. Fais des efforts pour t'améliorer dans ton din, fais des efforts pour améliorer ton niveau de vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut. Lakin, si tu as cette richesse, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-ghina ghina nafs, al-ghina ghina al-qalb, la richesse, c'est la richesse du cœur. Si tu as cette richesse, même si tu as peu, tu te contenteras de ce peu et tu seras satisfait. Amma, celui qui n'a pas hadhihi al-qana'a, qui n'a pas cette richesse du cœur, même s'il a des millions, il voudra toujours plus. Il ne sera jamais satisfait. Il aura toujours des soucis, toujours des problèmes. Bon, il gagne des millions et Allah subhanahu wa ta'ala, il les éprouve à cause de leur égarement, à cause de leur insouciance, alors à cause de leur éloignement du din. Et ces millions, ils partent dans des affaires au tribunal, dans les hôpitaux. Bon, c'est des pensions, bon, c'est des divorces. Bon, ils n'ont aucune raha. Ce qu'il gagne, il le redonne. Et ce qu'il gagne, il le redonne. Et hakada, ils sont fitables jusqu'à la mort. Amma al-mu'min qui a had al-asl al-azim al-iman, il vivra firaha, riche ou pauvre, en bonne santé ou malade. Il sera fi ni'ma. Qala wa'adam tashawwushihi mimma yatashawwush minhu al-faqid lil-iman al-sahih. Ba'dahum, ils ont des millions et ils n'arrivent pas à trouver le sommeil. Ta'ab, à cause des problèmes. À Bardoum, ils ont des millions et ils sont éprouvés par une maladie, un cancer ou autre. Et ils n'ont pas de patience. Ils n'ont pas l'iman. Et ils sont fait ta'ab. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces millions? Ils ne peuvent même plus se déplacer. Fa'adam at-tashawwush mimma yatashawwush bihi al-faqid lil-iman. À Bardoum, ils ont des millions. Lakin, ils ont cette peur dans le cœur, peur de la mort, peur de beaucoup de choses, peur de l'avenir. On le répète, hadhihi ar-raha wa hadha al-iman, ça ne s'achète pas. C'est fadlun min Allah. On doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez autour de vous. Regardez tout ce qui propage l'un comme information sur al-kafara, dans le ta'ab dans lequel ils vivent. Ils font tout pour rechercher le bonheur. Bardoum, ils essayent de repousser la vieillesse avec la chirurgie, ils essayent de faire certaines choses. Et la chose qu'ils craignent le plus, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés à la mort. C'est pour ça qu'ils ont une vie, vu que tout le monde sait, les croyants, les mécréants, les kafara, tout le monde sait que ça s'arrêtera. Et le fait de ne pas savoir quand est-ce que ça va s'arrêter et ce qui vient après, etc., là, chacun a, ça pousse al-kafir à d'énormes soucis. Mais le mu'min, il est à la khayr. Le mu'min, il sait que ça s'arrêtera, comme tout le monde, et il espère la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il fait des efforts, il y a des dunya pour préparer l'au-delà. Et هذا, la shak annahu, ça le rend heureux. قال السادس, sixième fruit, parmi les fruits de l'iman. أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص. ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل مثل قوله فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران للسعي. Parmi les fruits, أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح بالإيمان. أي الإيمان. Parmi les fruits de cette foi, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il acceptera tes œuvres. Pourquoi? Parce que la condition pour que n'importe quelle œuvre, que ce soit de la langue, du cœur ou des membres, pour qu'elle soit acceptée indallah, il faut obligatoirement cette condition, l'iman, la foi. Et le dalil, qawluhu azza wa jal, faman ya'mal min as-salihat wa huwa mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité l'amal as-salih et il a cité la condition wa huwa mu'min. Mafhoum al-aya, celui qui fait min as-salihat et c'est pas un mu'min, hada la shak annahu, c'est pas accepté. Tastafid kadhalik de ce verset قوله فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه On lit أولا كلام الشيخ سعدي قال أي لا يجحد نعم سعيه ولا يضيع عمله بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. Et ça, c'est une bouchra azima pour le mu'min. Anna, quoi que tu fasses comme amal, fala yadhi' indallah. Tant que tu as cette condition, la foi, la sincérité. Et kadalik sayati ma'ana, une autre condition, al-mutaba'a lil-rasoul, alayhi sallallahu alayhi sallam, suivre le prophète sallallahu alayhi sallam. Enfin, le croyant, s'il est sincère, et il est véridique, et il suit le Nabi sallallahu alayhi sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte son œuvre. Et son œuvre, la tadhi'a. قوله لا كفران للسعي أي tes efforts ne seront pas rejetés. Contrairement avec les êtres humains, tu peux faire du bien à quelqu'un, être gentil, juste, tu l'aides, et du jour au lendemain, il ne reconnaît plus tout ce khayr. بل يكفر يكفر بهذا الخير كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم a informé أن أكثر أهل النار النساء. La plupart des habitants de l'enfer, ça sera les femmes. Et une femme, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi il lui a dit takfurun al-ashir ou takfurun al-ashir. Hey, le mari, il fait énormément de khayr, il patiente, il fait des efforts. On a une chose qui va pas et elle dit j'ai jamais vu de khayr ma'ak. Ça c'est kufr al-ashir ou al-ishra ou al-ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران للسعي. Et ça c'est une bouchra, on disait azima pour le mu'min. Si tu fais des œuvres, enfin, si tu es, on le répète, sincère, tu as la foi et tu suis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu trouveras la récompense dans l'au-delà, bien sûr, et ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera. فَلِيَذَا لَا تَقْلَقْ لَا تَقْلَقْ Ne te fais pas de mal à toi-même si quelqu'un t'accuse injustement ou il dit que tu n'es pas sur le droit chemin ou il dit que tu es un égaré. Si tu es à la sirat al-mustaqim et tu es sincère et tu suis le haqq, la terre entière se rassemble pour dire que tu es mauvais. Si tu es bien, indallah, tu es bien. Faliyada ne donne pas d'importance à ce que les gens y disent si c'est pas fondé sur la vérité. Si c'est fondé sur le haqq, une nasiha, accepte. Amma al-batil et les accusations, hada ne donne aucune importance. Faman y'amal mithqal dharratin khayran yura. Dans l'autre verset, celui qui fera un atome de bien, il le verra. Fais des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne seras jamais déçu. Si on est sincère, on est véridique et on fait pour Allah azza wa jal, fa alhamdulillah. Tu trouves dans les gens qui ont un dha'f fi hada. Par exemple, il va au masjid. Il va au masjid et celui qui va au masjid, il a une énorme récompense. Awalan, chaque pas que tu fais, ça t'élève en degré, ça t'efface certains de tes péchés. Thumma salat al-jama'a. Elle dépasse Salat al-Fadda ou al-Fard de 25 ou 27 degrés selon les riwayat. Il y a un fadl azim. Wa'ad-nas, ils ont une faiblesse fi al-ihtisab. Et tu trouves, il y a un problème fi al-Masjid. Wahad, il lui a dit quelque chose. Ou ça s'est mal passé. Et il dit, de toute façon, je ne viens plus dans ce Masjid. Comme si, au départ, on venait pour les gens. Là. Ou alors, si un tel, il n'est pas content. Ou. Al-amr sahl, tu viens lillahi azza wa jal. Si tu penses à la récompense, tu lâcheras pas. Lakin shaytan ahyanani, il essaye de nous pousser pour qu'on arrête le khayr. Pourquoi? En nous faisant croire mais c'est un tel, donc j'arrête. Là, hada din c'est lillah. Enfin, si on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul et notre intention c'est la satisfaction d'Allah et d'être récompensé, bi'idhnillah azza wa jal, ça va nous pousser à œuvrer énormément. Même si certains ne sont pas d'accord. Même si certains ne sont pas satisfaits, ça ne change rien. قال وقال عز وجل ومن est-ce qu'on a fini là? وقال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Vous avez remarqué dans le premier verset فلا كفران للسعي et dans le deuxième فأولئك كان سعيهم مشكورا. Et الشكر c'est le contraire du kufr. Allah subhanahu wa ta'ala dans le premier verset قال فلا كفران للسعي et dans le deuxième كان سعيهم مشكور. Allah subhanahu wa ta'ala c'est Shakur, parmi ses noms Ash-Shakur, et si quelqu'un fait du bien, Allah subhanahu wa ta'ala il le récompense. ولا فلا كفران للسعي قال والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. Et ça, c'est très très important. هذا السعي qui est cité dans le verset. ومن أراد الآخرة, celui qui espère l'au-delà, وسع لها. Ça, ça nous montre أن notre دين, c'est pas مجرد إدعاء ou des prétentions ou des espoirs qui sont fondés sur rien. Là, من أراد الآخرة, celui qui désire l'au-delà, c'est-à-dire la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense, rentrer au paradis, etc. Wassa'alaha. Et qui fait des efforts pour hada. Il fait les causes. As-sa'i, c'est quoi? Wassa'alaha. Qala al-shir sa'di, al-amal bi kulli ma yuqarribu ilayha. Faire des œuvres, œuvrer. Al-iman, qawlun wa amal wa atiqad. Al-iman, c'est une croyance. Donc ça englobe cet espoir de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et kadalik, faire les causes. من السعي مثلا سي فير صلاة الليل سي جوني لو مود رمضان فير لا سورتي لا زكاة pour celui qui est concerné faire le hajj pour celui qui en a les moyens etc. appliquer son din tout ça en suivant un nabi alayhi salatu wassalam. فهذا c'est quoi sa récompense? Bien sûr s'il est mu'min, la condition elle est toujours citée, wa huwa mu'min فاولئك كان سعيهم مشكورا. Tout ce qu'il a fait sera récompensé. Ça ne sera pas rejeté, renié, abadan. Qala fa idha ta'assasat 'ala al-iman wa banat. Qala fa idha ta'assasat 'ala al-iman wa banat 'alayhi kana as-sa'yu mashkuran maqbulan mudha'afan la yadhi'u minhu mithqal dharra. Ma'a anna al العبد المؤمن il sera récompensé, Allah il est juste, بل الله سبحانه وتعالى c'est ذو الفضل العظيم, et aucune de ses hasanat elle ne sera oubliée, rejetée, بل ses hasanat ils seront multipliés par minimum par 10. والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء, et Allah سبحانه وتعالى il augmente à qui il veut. على كل حال الحسنة بعشر أمثالها, ça c'est le minimum pour tout le monde, pour chaque croyant, chaque hasanat elle est multipliée par 10. C'est pour ça que travaille pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fais des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne seras jamais déçu. Qala rahimahullah. Wa amma idha faqada al-amal al-iman falaw ista'mala al-aqil laylahu wa naharahu fa innahu ghayru maqbul. Et ça c'est une khassara azima. Amma celui qui a délaissé la condition al-iman. Et malgré cela, il fait certaines œuvres. Tu le vois, هذا مثلا في النصارى, certains chrétiens, ils font énormément d'efforts. بعضهم ils ont abandonné الدنيا, ils sont enfermés dans des couvents, dans des monastères, et ils font des efforts pour aider les pauvres, aider les orphelins. Tout ça bien sûr fondé pour beaucoup d'entre eux, si ce n'est tous, propager leur din batil bien sûr. Lakin, si on reste que sur al-amal, ba'dhum, ils vont maintenant voir un pauvre dans la rue, ils vont l'aider, ils vont aider les orphelins, il a akhiré. Tout ça, vu qu'il manque la condition, c'est pas accepté indallah. Wa amma idha faqada al-amal al-iman, falaw istaraqa al-amilu laylahu wa nahar. Walaw si hada al-amil, vous avez remarqué, il l'a pas appelé mu'min. Il manque la condition. Donc, dans ce cas-là, on ne dit pas mu'min, on dit un amil. Il œuvre. Quelqu'un qui fait, il fait des choses. Lakin, tout ce qu'il fait, ce n'est pas accepté indallah. Qu'est-ce qu'il va gagner de ce amil? Il va gagner le compliment des gens ici-bas. Ils vont dire, un tel, c'est un homme bon. Un tel, il aime les pauvres. Ils vont dire, Fulan, il a des principes. C'est ce qu'il va gagner. Hada l'insan, hada l'abd. C'est tout. Amma yawm al-qiyama. Il n'aura pas une hasana. Une. Même s'il a œuvré toute sa vie, jour et nuit. Qala Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin, faj'alnahu haba'an manthura. Haba'an manthura. Toutes ces œuvres, ces milliers d'euros, ces millions dépensés, ces nuits à veiller pour faire telle chose, il a akhir. Si ce n'est pas fondé sur l'iman, c'est pas fondé sur la foi, c'est pas fondé sur le tawhid, c'est pas accepté عند الله. قال ودلت او ذلك لانها اسست على غير الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. كلام جميل. العلماء souvent ils citent les conditions pour que Allah il accepte une œuvre. Ils citent ces deux conditions: al-ikhlas, la sincérité, et al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بعض العلماء ils ajoutent un troisième شرط: al-iman. Cheikh Saadi هنا قال وذلك أنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre أن les savants qui disent أن les conditions pour que l'œuvre soit acceptée, ces trois conditions, ils détaillent. Ils disent l'iman, ils citent les versets qu'on vient de lire ensemble, et ils citent la sincérité, ils citent des preuves, et ils citent le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils citent des preuves. Voir de l'ulama, ils citent que les deux, la sincérité et le suivi. Pourquoi il y en a la sincérité et le suivi? Ça fait partie de l'iman. Donc ils font entrer l'iman dans les conditions. Hada, c'est pour comprendre les différentes catégories que l'ulama ici. على كل حال pour que l'œuvre elle soit acceptée, فَلَا بُدْ مِنْ إِخْلَاصِ, la sincérité. Et celui qui est sincère, bien sûr, c'est qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il est sincère et il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a bien l'iman. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الله سبحانه وتعالى dans ces versets من سورة الكهف قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الله سبحانه وتعالى il a dit à son prophète, dis-leur, est-ce que vous voulez que je vous informe c'est qui les plus perdants, ceux qui perdront le plus? C'est ceux qui font des efforts ils font certains efforts et ils pensent qu'ils ont réussi, ils pensent qu'ils font du bien, alors que tout ce qu'ils font c'est batel, tout ce qu'ils font c'est pas accepté. Certains, maintenant, tu as deux cas, tu vois, certains qui ont complètement abandonné la religion et ils suivent leur passion et ils pensent profiter du haram, les shahawat, etc. Haoula, si ce n'est pas des croyants, ça, ils feront partie du combustible de l'enfer, yadam billah. Tu vois, d'autres, c'est des cas, voilà, lakin, ils font pas comme les autres, ils ne profitent de rien, bel, ils pensent faire du bien en se sacrifiant, en s'abstenant de certaines choses et ils rejoindront leurs frères en enfer. Ils se sont privés vite d'unia et ils seront dans l'enfer éternellement. Yawm al-qiyam. Haoula, c'est les pires. Qala azzawajal, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladina dhalla sa'yuhum fil hayati d'unia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Fa'idatun azima akhil karim. L'essentiel, c'est pas que les œuvres, que l'amal. L'essentiel, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il nous a ordonné. Fastaqim kama umirt. Hakada qala azza wa jalla. On fait attention. Ba'd an-nas, là, tu trouves même dans notre communauté, ils aiment le bien, ils veulent faire du bien, ils inventent des choses. Prends l'exemple de la salat. Tous les jours, pour nos frères, ils font salat fil masjid. Tous les jours, tu vois des gens, ils aiment khair. Des inventions avant la salat, des inventions pendant, des inventions après. Tu lui demandes un délit, il est incapable de le citer. Lakin Bardoum, il pense que si tu veux faire du bien, tu fais ce que tu veux. C'est pas comme ça notre din. Notre din, il est basé sur le Coran, sur Sunna, sur le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Wa dalil ala hada qawluhu ta'ala fastaqim kama umirt. Al-istiqama, c'est pas comme nous on veut. Al-istiqama, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il veut et il a légiféré. Wa dalil kadhalik qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Ça nous montre que même si tu veux le bien et tu penses que tu peux faire ce que tu veux, hada c'est pas accepté inda Allah. Celui qui aime le bien, il doit suivre un nabi alayhi salatu wasalam. Enfin, avec ces deux conditions, la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wasalam, le bien هنا يتحقق. Amma chacun fait ce qu'il veut et il invente, ça c'est bab al bid'a. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: "Kullu bid'atin dhalal", l'innovation, toutes les innovations c'est de l'égarement. Wa ad-dhalal fi an-nar, et l'égarement c'est fi an-nar. Hada, c'est un point très très important qu'on doit enseigner à nos proches. On doit leur enseigner cette base de notre din: "Anna, tu adores pas Allah comme tu veux." Là, Et la preuve, dans certaines choses, tout le monde respecte. Un exemple. Est-ce qu'il peut dire, on va bientôt faire salat al-maghrib, et il dit, aujourd'hui j'ai envie de faire beaucoup de bien, je suis motivé, je ne fais pas 3 rak'at, j'en fais 6. Trois, c'est 3, même si tu es motivé. Mais dans certaines choses, tu trouves, al-awam, il se laisse aller, les madal, ils n'ont pas ce principe. Hatta hiyanan, tu lui montres, il est étonné. Il dit, mais j'ai rien fait de mal. Pourquoi il ignore ces choses-là. Il ignore, il fait cette façon, du dhikr de cette façon, il rajoute, il enlève, etc. Et tu trouves, il déforme complètement la ibadah. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des règles, il a cité des règles strictes dans la ibadah. On doit faire telle chose, sallo, kama ra'aytumuni ou salli. On doit faire la salat comme il a fait alayhi salat wa sallam. Ah là, c'est un point important. Qala. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا. Donc ils n'ont pas la condition essentielle, c'est l'iman. قال عز وجل أولئك الذين كفروا أي les mécréants كفروا بربهم ولقائه, ils ne croient pas en Allah سبحانه وتعالى et au jour dernier, le résultat c'est quoi? فَحَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ حُبُوط ou إِحْبَاطَ الْعَمَلُ, c'est que l'amal il est annulé. Même si à la base, madalane, cette personne, elle a jeûné, elle s'est abstenue pour Allah, elle a aidé un pauvre, etc. C'est pas accepté عند Allah. C'est pas, j'ai dit pour Allah, lakin, s'il a pas l'iman, si on garde dans notre exemple, si il fait cette chose, وَلَا يُؤْمِنْ بِاللَّهِ كما أراد الله سبحانه وتعالى c'est pas accepté. Bel cet exemple il est taillé même si c'est pour Allah. On prend un exemple, مثلا un juif ou un chrétien, il fait ça, il dit na'am, c'est pour Allah. C'est pour Allah, et pour le créateur. Eux ils vont l'appeler Dieu, ils vont l'appeler. Mouhim, on prend un exemple, Naomi, ils le font pour Allah le créateur. Ça suffit pas. لماذا لأن الإيمان بالله il est conditionné avec d'autres choses. مثلا celui qui croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la yu'min billah. Celui qui croit pas à ce Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, la yu'min billah, il ne croit pas en Allah. Donc l'exemple, il est tayyib. La bud min al-iman, kama ja'a fil Coran wa sunnah. Wa illa fa les juifs, ils ont une foi, les croyants, les chrétiens, ils ont une foi, c'est une foi batila. Prétendre que Allah il a un fils, il rejette la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il rejette le Coran, enfin leur foi elle est batila. Leur foi elle est rejetée, et leurs œuvres elles sont rejetées. قال فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا عند الله يوم القيامه. Ce qu'ils ont fait, leur salat, leur jeûne, leur sacrifice, leur entraide, leur etc., ça n'aura aucun point عند الله, c'est pas accepté. قال ولهذا كانت الرده عن الايمان تحبط جميع الاعمال الصالحه. Pourquoi? Parce que c'est la condition, et ça c'est un autre tambih. Insan, il avait la foi, il a fait des œuvres, il a fait le hajj, il a fait le salat, il a fait le siyam pendant des années. Seulement, cette foi qui est la condition, il la perd. Ce qu'on appelle ridda. Ridda, c'est perdre sa foi. Ridda, c'est perdre sa foi à cause de al-kufr al-akbar ou shirk al-akbar. Mathalan, insanun, il a fait le hajj plusieurs fois, il a fait le salat pendant des années, le siyam pendant des années, etc. Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il fait du shirk? Il invoque les morts, il sacrifie pour les morts, etc. Yunsah, il est conseillé, il n'accepte pas. Les preuves, elles lui sont citées, il rejette. Ah, il perd l'iman. Il perd sa foi, et en perdant sa foi, il perd toutes ses œuvres. Ça, c'est une khasara adim. Tous ces jours où il s'est levé le matin pour faire salat, tout cet argent qu'il a dépensé pour le hajj, pour zakat, etc. Combien de... Ça demande l'échec des sacrifices à la ibada, du temps. Enfin, tout ça, mujarrab, annahu yushrik billah ash-shirk al-akbar, tout ça c'est annulé. Qala azza wa jalla, la in ashrakta, la yahbatanna amaluk. La in ashrakta. La condition pour que l'amal soit annulé, c'est ash-shirk. Celui qui fait du shirk, ça annule toutes ses œuvres. Fa amma an talaw, wahid il te dit, anna si tu fais telle chose, fait dunya, dans ce bas monde, s'il te dit, si tu fais telle chose, tu perds tes parents, tes enfants, ton épouse, ta voiture, ta maison, ton argent, tu perds tout, tu te retrouves dehors tout seul. C'est quelque chose de ruine, de très très difficile. Celui qui perd son dîn, il perd toutes ses œuvres. Yom al-Qiyamah, il se retrouve tout seul sans rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Aïn al-Mafar Yom al-Qiyamah. Innahu ma yushrik billah. Faqad harrama Allahu alayhi al-Jannah wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, veillez-en à celui qui meurt à la shirk al-akbar, son refuge, ça sera l'enfer. Il restera éternellement. Personne pour le secourir. قال رحمه الله كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت لا جستيس دالله لا رحمة الله سبحانه وتعالى l'inverse celui qui faisait du haram bel il ne croyait pas en Allah il faisait du kufr du shirk de la mécréance مهم il n'avait rien à voir avec الدين أكافر من الكفر il se convertit quand il se convertit يؤمن يؤمن donc Allah subhanahu wa ta'ala lui donne hadha l'iman. Donc il a hadha l'iman al-azim qui permet de réussir ici-bas dans l'au-delà. Fahadha, ماذا قال الشيخ سعدي كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظم. Tous les péchés, la mécréance, les manquements, etc. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout. Belle, dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala ils changent leur سيئات en حسنات. Ça, c'est un fadl azim. قال والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها. نعم. أن التوبة celui qui fait التوبة ça lui efface tous ses péchés. Tous ses manquements. S'il fait التوبة sincèrement avec les conditions. Et parmi les conditions, c'est de regretter, d'avoir l'intention de ne plus faire cette chose. Se repentir pour Allah subhanahu wa ta'ala, thumma yastaqim, il croit, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout. À notre dîn, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a facilité. Hadha l'iman, c'est fi maslahatik akhi al-karim. C'est pour ton bien. Fais attention, ces plaisirs éphémères de cette dunya. Certains, ils essayent de nous écarter de hadha l'khayr, de hadha l'haq, de hadha l'iman. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Allah a'lam combien de temps il nous reste à vivre ici-bas. Enfin, le peu qu'il nous reste, on essaie de faire des efforts pour haqqaq hadha l'iman. On essaie de faire des efforts pour nous améliorer afin qu'on profite de ces fruits que al-Sheikh, rahimahullahu ta'ala, huna, il a résumé. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa al-sadad li al-jami' wa naktafi bihada al-qadr al-yawm. Et le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, on reprendra à partir de la septième tamara, le septième fruit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.